Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur réaffirme que la contribution demandée à la population pour les élections de 2020 n'est pas une double perception, mais il reconnaît que le budget de l'État reste insuffisant. Et puis, les élèves orientés dans les sections techniques au lycée Kayanza sont en grève depuis ce matin. Ils réclament des professeurs pour les cours techniques non enseignés depuis le début de cette année scolaire. Nous appellerons notre correspondant. Et trois provinces du Burundi ont été choisies comme pilotes dans la mise en place des forats provinciaux des droits de l'homme. Le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme dit que ces structures pourront aider pour que les droits humains soient mieux respectés qu'avant. Voilà pour le sommaire de ce journal mis en onde par Toussaint Mitewoti. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour. Le ministère de l'Intérieur dit que la contribution de la population burundaise à l'élection de 2020 n'est pas une double perception de l'argent alors que la loi des finances de 2017 l'avait prévu. Terence Nahiraja, porte-parole de ce ministère, explique que les contributions des Burundais viendront pour combler les vides car le budget du gouvernement prévu reste insuffisant. Suivez-le, il est au micro de Placide Niyomwongere. C'est un devoir qui nous demande la Constitution de la République. Et pour coordonner, vous savez que la Constitution est là en termes généraux, mais il faut savoir que certains chapitres doivent être mis en application, soit par les lois organiques, soit par les lois ordinaires, par les ordonnances ou les décrets. C'est dans cette perspective que cette ordonnance est venue pour concrétiser ce que nous demande la Constitution. Donc, oui, il y avait la loi des finances de 2017 qui prévoyait des prévisions en rapport avec les élections 2020 qui s'élevaient à plus de 6 milliards. Est-ce que ça ne serait pas une double taxation? Pas du tout, comme vous le savez. Le gouvernement a toujours préparé, contribué aux élections du pays. Mais en plus de cela, n'oublie pas qu'il y avait une grande partie du budget utilisé par la CENI qui était donnée par les différents bailleurs, les amis du Burundi, à l'occurrence, le pays, l'Union européenne, même les autres pays d'amis du Burundi, vous le savez très bien. Eh bien, quelle est cette contribution que la population donne? C'est pour combler justement à cet argent qu'on attend, sans savoir lequel sera payé ou pas. C'était Terence Nahiraja, il est porte-parole du ministère de l'Intérieur, il sera l'invité de ce journal. Les forats provinciaux des droits de l'homme vont aider pour que les droits de l'homme soient beaucoup plus respectés, d'après Jean-Baptiste Bariwonekeza, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. Il précise que trois provinces ont été choisies comme pilotes dans la mise en place de ces forats provinciaux. Il l'a dit dans la province de Bujumbura, où ont été lancées officiellement ce mardi les activités de ces forats. Les forats provinciaux des droits de l'homme seront des ambassadeurs à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, comme le précise le président de la CNIDH, Jean-Baptiste Bariwonekeza. L'activité s'inscrit aussi dans la logique, si vous voulez, du rapprochement de la CNIDH de la population par le truchement des autorités à la base, donc qui sont représentées en fait au niveau de ce forum, par le truchement des leaders communautaires. Outre trois provinces pilotes, la CNIDH va étendre ses forats dans toutes les provinces du pays. L'idée, c'est d'avoir des forats provinciaux dans toutes les provinces du pays, évidemment, parce que chaque province évidemment a ses particularités, mais l'idée c'est que la CNIDH étant nationale, c'est que les forats doivent être nationaux. Donc c'est pour des raisons purement pragmatiques que nous avons identifié un certain nombre de provinces pilotes, à savoir la province de Bujumbura, la province de Cibitoke, la province de Muyinga. Marceline Davatenizigo, représentante du CDFC dans la province de Bujumbura, membre de son nouveau forum, dit que c'est une occasion pour elle de travailler et espère un appui technique et financier de la part de la CNIDH. Nous serons enrichis sur le plan des ressources, sur le plan humain. On était presque amoindri parce que le personnel est très réduit. Nous allons nous élargir sur les autres compétences qui rentrent dans le forum comme nous. Je ne ferai que demander de nous appuyer davantage sur le plan matériel, sur le plan des connaissances perfectionnées. Et ces forats provinciaux verront la participation de tous les acteurs de la vie politique, judiciaire, les activistes de la société civile et des confessions religieuses. C'était les précisions de Thierry Mfayou Correra, stagiaire à notre station sécurité. La nommée Antoinette Nachonishimiye, 63 ans, de la colline Kijuri en commune Matongo de la province Kayanza, a été tuée cette nuit à son domicile vers 1h du matin. La police confirme les faits et indique que les enquêtes sont en cours. Et en commune Kabarole de la province Kayanza, sur la colline Kibouba, en certain bienvenue, Sengiyumba, est mort et 4 personnes ont été blessées suite à l'éboulement de terre lors de l'extraction du coltan ce mardi. La police signale que les blessés ont été évacués à l'hôpital. Et un incendie s'est déclaré cette nuit vers 1h du matin au marché de Boutelé et à mairie de Bujumbura. La police indique que 8 kiosques et toutes les marchandises qui étaient dedans sont parties en fumée. Le porte-parole de la police indique que l'origine de cet incendie serait le fait que les techniciens réparateurs des appareils électroniques n'avaient pas éteint certains de leurs appareils avant de rentrer. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Le pardon mutuel montre que le travail de recherche de vérité et réconciliation est possible au Burundi. C'est le président de la commission vérité et réconciliation sévère qui l'affirme. Après que 20 personnes de la province Ruyigi se soient pardonnées mutuellement suite à la crise de 1993, Monseigneur Jean-Louis Nahimana précise que cette commission précise que le travail de réconciliation n'est pas le monopole de la CVR. Le travail de la réconciliation n'est pas le monopole de la Commission Vérité et Réconciliation. Effectivement, vous avez vu que dans le diocèse d'Origi, le diocèse catholique nous a devancé dans ce travail de réconciliation, qui finalement c'est une mission qui revient à l'Église. Là où il y a le péché, la première conséquence, c'est la division entre les gens. À travers la commission Justice et Paix, c'est un organe de l'Église catholique, justement, qui s'est engagé dans la pastorale sociale. Et tout particulièrement, qui focalise son travail sur ces questions de justice, mais aussi de réconciliation. Je dirais que ça nous encourage. Ce que nous avons vu à Ruyigi est un témoignage justement qui montre que la réconciliation est possible dans ce pays. Ce que vous avez vu, c'était au centre de la province Ruyigi. Mais je vous dis que le travail que vous avez vu vient à la suite d'autres expériences que ce diocèse a déjà fait depuis 2012. Nous l'avons souvent dit que la commission de réconciliation ne va pas inventer une roue qui existe déjà. Donc c'est un atout, un grand atout pour nous. À partir de ce travail qui est déjà fait, ça va nous aider, ça va nous orienter dans notre travail pour que alors nous puissions compléter avec cette fois-ci beaucoup de moyens que ceux utilisés par le diocèse de Ruyigi, compléter ce travail. Mais l'essentiel justement pour nous, c'est de nous approprier ce travail, mais aussi porter cette expérience à la connaissance des autres Burundais pour les encourager dans la voie de la réconciliation en leur montrant que c'est une mission possible. Monseigneur Jean-Louis Nahimana, dont les propos ont été recueillis par Mireille Kanyang. Et sachez que le travail de déposition des témoignages sur ce qui a marqué l'histoire du Burundi de 1962 à 2008 est en train de se dérouler en province Ruyigi et Muramvya après les provinces Ngozi, Mwaro et Karusi. Et le Conseil national de la communication CNC demande aux journalistes de respecter le code éthique et de déontologie professionnelle durant la campagne électorale de remplacement du sénateur Martin Bazoumoutima, élu dans la circonscription de la mairie de Bujumbura. C'est le contenu d'un communiqué de presse sorti ce mercredi, élu par Aimé Divine et Niyokwizigwa, vice-présidente et porte-parole du CNC. Le Conseil national de la communication CNC rappelle aux médias et aux journalistes ce qui suit. Respecter la loi, spécialement la Constitution, la loi régissant la presse au Burundi, la loi organique du CNC, ainsi que le code d'éthique et de déontologie de la presse au Burundi. Œuvrer pour la sauvegarde de la paix, la concorde sociale et l'unité nationale par l'acceptation de la diversité d'opinions politiques et le rejet de la violence sous toutes ses formes. Faire preuve de culture démocratique et respecter la liberté d'expression. Diffuser des informations équilibrées dont la véracité et l'exactitude sont établies. Garantir l'accès équitable des candidats aux médias publics et privés. À cet effet, seuls les partis politiques agréés, les coalitions de partis politiques ainsi que les candidats indépendants implantés en mairie de Bujumbura et dont les dossiers de candidature ont été approuvés par la Commission électorale nationale indépendante sont autorisés à organiser des réunions électorales. Dans le cadre de la couverture médiatique de cet événement, il est considéré conseiller aux médias de s'interdire la calomnie, la diffamation, l'injure, la discrimination raciale, les accusations sans fondement, les arguments basés sur la région, l'ethnie et la religion des candidats ou de leurs sympathisants. De s'interdire aussi le reportage des discours et programmes politiques favorisant le mensonge, l'achat des consciences et les incitations à la fraude. Le Conseil national de la communication jouera son rôle d'arbitre pour tout différent qui viendrait opposer deux ou plusieurs médias et les journalistes du fait de la non-observation des règles du jeu électoral. Isanganiro. Les élèves du lycée Kayanza de section purement technique sont en grève depuis le matin de ce mercredi. Ils réclament les professeurs des cours de technique non enseignés depuis le début de cette année scolaire. Apollinaire Mouzagara pour plus de précisions. Les élèves qui ont entamé un mouvement de grève sont ceux des deuxièmes années en section informatique de maintenance, informatique de télécommunication et en électronique. Selon ces élèves, quatre principaux cours techniques n'ont pas été enseignés dès le début de cette année scolaire 2017-2018. Puis donc ce mercredi matin, ils jurent de ne plus retourner en classe s'ils n'obtiennent pas les professeurs de ces cours. Ce matin, le décret provincial de l'enseignement à Kayanza, cette commune Kayanza et le commissaire provincial de la police sont réunis au lycée Kayanza pour tenter une solution à ce problème. Les gens ont peur d'être forcés par la police à regagner les salles de cours. Les élèves ont préféré regagner les buissons se trouvant tout autour de cet établissement scolaire. Désiré Atungimana, décret provincial de l'enseignement à Kayanza, indique que les contacts continuent en vue de résoudre ce problème. Merci Apollinaire. Certains habitants de Munini en commune Mugamba de la province Bururi accusent le président du tribunal de grande instance de cette province d'avoir violé la loi en arrachant des bornes fixées et soutenues par ce même tribunal depuis 1980. Laurent Niyukuri explique qu'il a exécuté les ordres de ses supérieurs. Jean-Pierre Misako. Des limites, d'ailleurs, faites respectées par le tribunal de grande instance de Bururi en 1992 et en 2015, et c'est là qui fait objet de litiges depuis vendredi dernier, comme le disent certains membres de ces familles. C'est en effet à ce jour que le président du tribunal de grande instance de Bururi s'est rendu sur place et a arraché les bornes et les a publiquement mises à feu, de même que les restes de l'enclos d'une maison en paille dans certain Antoine Naguarara qui avait été incendié la veille par des inconnus. Selon Antoine Naguarara, toute la propriété a été attribuée à une seule famille et la loi a été violée en mettant en cause des bornes déjà fixées par le même tribunal. Laurent Niyukuri, président du tribunal de grande instance de Bururi et principal accusé, dit qu'une partie peut exiger la révision de l'exécution d'un jugement rendu ou des autorités supérieures peuvent demander des enquêtes supplémentaires sur une affaire déjà pendante au tribunal. C'est ce dernier cas qui est arrivé pour ce conflit foncier de Munini et un rapport sera fourni. Celui qui se sentira toujours lésé n'aura qu'à se confier aux commanditaires de ces enquêtes supplémentaires. À la question de savoir pourquoi il a arraché et incendié les bornes fixées par ses prédécesseurs, selon les allégations, Laurent Niyukuri s'est gardé de tout commentaire. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. On termine cet appel à nos correspondants par Muyinga où nous retrouvons Dieudonné Nzeimana qui nous rapporte que seulement 5 enfants sont à l'école dans le village de Pédobatois qui abrite 50 ménages des Batois sur la colline Chivari de la commune Muyinga. Venancy Miburo, mère avec 4 enfants, devant sa cabane en herbe dont le sambra de porte est fait de vieux habits, affirme vivre en état extrême de pauvreté, privant ses enfants de certains droits. Nous la rencontrons dans le village des Batois de Chivari, commune Muyinga, en train de donner à ses enfants des restes de nourriture. Aucun de ses enfants n'est sur le banc de l'école. La paupérisation explique la non-scolarisation des enfants d'après cette mère. De misère, on ne peut pas demander à un enfant qui a faim d'aller à l'école. Seulement 5 enfants étudient pour plus de 50 ménages batois, reconnaît M. Isaac Bigirimana, représentant de cette communauté. La majorité de leurs enfants grossissent le rang des enfants de la rue en ville de Muyinga, d'après le même chef, sollicitant un appui de l'autorité pour rehausser le niveau de vie. Chumaïne Baden, des conseils économiques et du gouverneur de la province Muyinga, invite plutôt ces batois à s'approprier les programmes de développement dont bénéficie toute la population sans discrimination. C'est la seule voie qui les rassurera d'améliorer leurs conditions de vie. Dieudonné Zeimana, de Chibali pour la radio Isangani. À la source, interview. L'invité de ce journal, c'est Terence Nahiraja, je vous l'avais dit. Les porte-parole du ministère de l'Intérieur, il justifie le pourquoi d'une loi portant contribution aux élections en 2020, alors que la loi des finances de 2017 le prévoit à hauteur de plus de 6 milliards de nos francs. Pour lui, ces contributions de la population viendront combler les vides, car le budget de l'État est insuffisant. Pour lui, il ne s'agit pas d'une double contribution, mais plutôt d'un devoir, tel que le prévoit la Constitution burundaise. Terence Nahiraja répond aux questions de Placide Niyomwongere. Terence Nahiraja, vous êtes le porte-parole et en même temps assistant du ministre de l'Intérieur. Dernièrement, le récent conseil des ministres qui s'est réuni et le ministre de l'Intérieur a présenté un projet portant contribution aux élections 2020. Mais quelles sont les explications en rapport avec ça? Merci beaucoup. Comme vous le dites, effectivement, ce projet d'ordonnance ministérielle a été préparé en vue de concrétiser ce que nous demande la Constitution de la République du Burundi, spécialement à son article 73. Eh bien, il faut que tous les Burundais contribuent pour que nous soyons indépendants totalement en matière des élections. Tout le monde doit le faire parce que c'est un devoir que nous demande la Constitution de la République. Et pour coordonner, vous savez que la Constitution est là en termes généraux, mais il faut savoir que certains chapitres doivent être mis en application, soit par les lois organiques, soit par les lois ordinaires, par les ordonnances ou les décrets. C'est dans cette perspective que cette ordonnance est venue pour concrétiser ce que nous demande la Constitution. Donc, il faut que cette contribution soit coordonnée par une loi spécifique, évidemment, dans la ministérielle, en vue de ramener l'ordre dans le pays. Mais ça ne serait pas une contribution volontaire. Mais la Constitution de la République burundienne nous exige. Elle ne dit pas que c'est lui qui le veut pour le faire. Tout le monde doit le faire. C'est pourquoi on veut une coordination en cette matière. Oui, il y avait la loi des finances de 2017 qui prévoyait des prévisions en rapport avec les élections 2020 qui s'élevaient à plus de 6 milliards. Est-ce que ça ne serait pas une double taxation? Pas du tout, comme vous le savez. Le gouvernement a toujours préparé, contribué à ces élections du pays, mais en plus de cela, n'oublie pas qu'il y avait une grande partie du budget utilisé par la CENI qui était donnée par les différents bailleurs, les amis du Burundi, à l'occurrence le pays, l'Union Européenne, même les autres pays d'amis du Burundi, vous le savez très bien. Alors, mais en 2015, nous avons eu une leçon. Dites-toi à qui l'on dit que on ne peut pas attendre ce qui est de l'extérieur, il faut plutôt essayer de tout faire pour être indépendant, même économiquement, si c'est possible. Eh bien, comme on a vu qu'il y a des pièges qui sont toujours tendus et d'exigences de nous faire en arrière alors que nous sommes indépendants par ces étrangers qui contribuent, mais qui vous exigent de faire d'accomplir leur souhait, nous disons non à cela, c'est pourquoi on se prépare. Eh bien, quelle est cette contribution que la population donne? C'est pour combler justement à cet argent qu'on attend, sans savoir lequel sera payé ou pas. Pour dire que ces prévisions que vous attendiez allaient provenir de l'extérieur. Et non seulement il y a ce du gouvernement, mais le budget du gouvernement était suffisant. C'est pourquoi il était comblé par une aide extérieure. Or, est-ce que c'est à telle donnée ou pas? On ne peut pas attendre ce qu'on ne connaît pas. Il y avait des initiatives qui étaient déjà faites par certains dignitaires du gouvernement, à commencer bien sûr par le président de la République qui déposait une somme importante dans la banque centrale. Est-ce qu'il y aurait-il quelque chose que le ministère de l'Intérieur avait remarqué comme problème pour penser déjà à une loi spécifique? Aucun problème. Ce sont les hautes autorités qui ont monté le modèle et un bon exemple. Ils ont accompli le devoir que leur demande la Constitution. Et pour que tous les Burundais le fassent, il faut qu'il y ait une coordination, il faut qu'il y ait de l'ordre, d'où la mise en place de cette ordonnance ministérielle qui va déterminer comment faire. C'est le peuple qui lui a même demandé qu'il faut que ça soit organisé afin de pouvoir démontrer notre indépendance totale. Mais ils ont demandé de contribuer, mais par une loi qui est là. Bien sûr, il faut une loi parce qu'elle est venue concrétiser ce que demande la Constitution. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans le pays et non pas dans le désordre. Comment vous préconisez la gestion de ce fonds? Vous savez, qu'il y a même les taxes qui sont données par la population, qui sont collectées par l'OBEI, et les combats utilisent cet argent. Il y a une réglementation, ça sera la même chose donc. Et les autres peuvent dire que, par exemple, ils peuvent être victimes de certains services qui étaient leurs droits suite à la non-versement de ces contributions. Les gens qui prennent de cela, ce sont eux qui vont empêcher la population de payer cela. Il n'y a aucun problème. Au moment où je vous parle, la population burundaise contribue non seulement pour les taxes, mais également pour les infrastructures communautaires dans le développement. Mais il n'y a aucun problème aujourd'hui. Pourquoi ce problème viendra avec les élections? Pas du tout. En fait, ce sont plutôt ces personnes qui ne voudraient pas que la population contribue à ce que c'est le peuple burundais. Terence Nahiraja, nous vous remercions. Merci, monsieur le journaliste. Terence Nahiraja, c'est le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Il répondait aux questions de Placide Niyomongere. C'est sur cette interview que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à Toussaint Mitewoutsi pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Nduimana, nous souhaitons de passer un très bon après-midi à l'écoute de nos programmes.